le royaume du Jammu Cachemire, qui est dirigé à l'époque par un Maharaja hindou, sur une population en majorité musulmane, était plutôt en faveur de l'indépendance du Jammu et Cachemire. Mais les circonstances feront qu'il sera forcé d'opter pour un rattachement à l'Inde en octobre 1947, donc 3 mois après l'indépendance de l'Inde, parce qu'il doit affronter des forces militaires, paramilitaires pakistanaises qui déferlent sur le Cachemire et menacent de s'emparer de la capitale du Cachemire, Srinagar, ce qui oblige en fait le Maharaja hindou à faire appel à l'armée indienne pour empêcher ces forces venues du Pakistan de s'emparer du royaume. Donc finalement, l'Inde se retrouve à intervenir militairement et on arrive à une partition en fait du Pakistan, du Cachemire en 1er janvier 1949, après l'intervention des Nations Unies, après le premier conflit indo-pakistanais, qui divise donc le Cachemire en deux, entre un Azad Cachemire et un Gilgit-Baltistan pakistanais et l'actuel État de l'Union indienne, le Jammu-Cachemire. Ça sera pas la fin de l'histoire, puisqu'il y aura encore des conflits entre l'Inde et le Pakistan en 65, la deuxième guerre indo-pakistanaise sur la question du Cachemire. Il y aura un autre conflit frontalier au printemps 1999, sur les hauteurs himalayennes du Jammu-Cachemire. Et puis, cette ligne de cessez-le-feu qui a été décidée au 1er janvier 1949, elle devient une ligne de ce qu'on appelle la ligne de contrôle après un autre conflit entre l'Inde et le Pakistan, qui est la raison est plutôt la création du Bangladesh, la question du Pakistan oriental, en 1972, donc après les accords de Shimla. Mais on l'a vu, comme vous l'avez rappelé d'ailleurs, que encore en février 2019, il y a eu un attentat au Cachemire, un attentat commis par un jeune Cachemiri indien contre des forces de sécurité indiennes, ce qui a entraîné une petite escarmouche militaire indienne sur le territoire pakistanais, notamment avec une attaque d'un camp supposé de djihadistes militants Cachemiri, un groupuscule qui s'appelle le Jaish Mohammed, en territoire pakistanais par les forces aériennes indiennes. Donc, ce conflit continue. Alors, ça passe aussi par des attentats sur le territoire, alors, entre guillemets, ennemi. Hein. C'est ce qu'on a raconté aujourd'hui, le danger entre l'Inde et le Pakistan. Alors, on rappelle quand même que ce sont deux pays qui sont dotés de la bombe atomique. Hein. Est-ce qu'il y a une espèce d'équilibre de la terreur entre les deux, comme une sorte de guerre froide entre deux pays? On peut dire ça déjà? Oui, tout à fait. Et quand vous vous rappelez que ces deux pays qui ont l'arme atomique, c'est non seulement deux pays qui ont l'arme atomique, c'est deux pays qui sont frontaliers, qui partagent 3300 kilomètres de frontières communes. Donc s'il y a un déclenchement d'une arme atomique, on n'a pas le temps de réfléchir. Hein. Ouais. Il faut quelques secondes pour passer d'une partie à l'autre de la frontière. Donc effectivement, c'est une situation qui risque d'escalader à tout moment en cas de tension et d'acerbée, comme on a pu le voir en février 2019. Donc récemment, je rappelle que tout de même l'Inde et le Pakistan, on estime à plus de 100, entre 100 et 150, les ogives nucléaires possédées par les deux pays. Il y a eu des situations chaudes par le passé, en 1990. En 2001, après l'attentat contre le Parlement indien, qui a vu un déploiement de forces massives de part et d'autre de la frontière au printemps 2002. Et là, il a fait l'intervention de la communauté internationale pour faire baisser les tensions entre les deux pays. Effectivement, il y a toujours ce risque qu'on peut craindre d'une escalade qui perde tout contrôle et qui devienne une escalade nucléaire. Faut-il avoir peur, cela dit, de cette situation? Parce que dans la mesure où ces deux pays ont l'arme nucléaire, on sait que le bénéfice d'une arme nucléaire, c'est d'avoir à ne pas s'en servir, justement. On a l'arme nucléaire, donc on ne nous attaque pas, et de ce postulat, ben, on estime que nous, on la lance pas non plus parce qu'on en prend une autre. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. Et en même temps, c'est une poudrière, ces deux pays. Est-ce qu'il faut vraiment en avoir peur? Finalement, est-ce que c'est la poudrière la plus dangereuse du monde, ou une des plus dangereuses du monde? Il y a toujours un risque, hein. Il y a un déséquilibre conventionnel entre les deux pays. Il est certain que l'Inde a une force militaire beaucoup plus importante que le Pakistan. Par contre, le Pakistan, effectivement, a l'arme nucléaire, et notamment des armes tactiques qui peuvent servir pour menacer l'Inde en cas d'attaque conventionnelle indienne. C'est vrai que le Pakistan n'a pas la théorie comme l'a l'Inde de ne pas attaquer par l'arme nucléaire en premier. Mmh. Parce qu'évidemment, le Pakistan dit si l'Inde nous franchit un certain nombre de lignes rouges et menace la souveraineté même du Pakistan, on peut toujours menacer l'Inde d'avoir une riposte nucléaire. Ce qui fait qu'évidemment, les Pakistanais disent les Indiens réfléchiront à deux fois avant de nous attaquer par leur arme, leur supériorité conventionnelle. Bien sûr. Alors, en attendant les agressions musulmanes, quand il y en a, djihadistes en l'occurrence, viennent, aboutissent à ce qu'on a raconté, au drame qu'on a raconté aujourd'hui. Et bien sûr, se pose, et même c'est au-delà de la question, le rôle des services secrets pakistanais, et puis ce qu'on a considéré à tort ou à raison, de toutes parts et presque de tout temps dans l'histoire moderne du Pakistan, ce double langage, cette duplicité. Est-ce que c'est vrai tout ça? C'est vrai que les services secrets pakistanais ont toujours eu une certaine complaisance, et c'est un euphémisme, vis-à-vis des groupes djihadistes militants pro-cachemiris qui sont là pour libérer le Cachemire de l'emprise indienne, que ce soit le Lashkar-e-Taiba, comme ça a été mentionné dans le cadre des attentats de Bombay, mais aussi le Jaïch-e-Mohammed, qui est derrière les attentats, l'attaque qui a eu lieu en février 2019. Donc effectivement, faut savoir que pour non seulement les services secrets pakistanais, mais pour l'État pakistanais, la question du Cachemire est une cause sacrée, même si on peut considérer que ça peut une cause perdue, parce que les Indiens vont jamais lâcher le Cachemire et le territoire du Cachemire qu'ils contrôlent. Donc c'est certain que le Cachemire est pour le pakistanais une phase non aboutie de la partition de ce continent. Là, je fais encore un petit rappel historique. Au 23 mars 1940, qui avait la fameuse déclaration de Lahore, qui lance la création, en fait, du Pakistan, et qui dit que tous les territoires à majorité musulmane contigus ont vocation à faire partie du Pakistan. Et à créer ce pays, le Pakistan, créé pour une religion ex nihilo. Hein, et un territoire contigu qui leur échappe, c'est le Cachemire. Allez. Et donc, c'est l'impression que la partition n'a jamais été achevée au Pakistan et que le Pakistan ne sera jamais en paix, entre guillemets, tant qu'ils n'auront pas repris possession de ce territoire Cachemire, au Cachemire, que eux, les Pakistanais, appellent le Cachemire occupé par l'Inde. Mmh. À l'inverse, le territoire cachemiri passé sous l'administration pakistanaise s'appelle l'Azad Cachemire, ce qui veut dire le Cachemire libre. Alors, il y a aussi une position du Pakistan qui est un peu singulière, qui peut être aussi ambiguë. On rappelle que pendant la guerre des Moudjahidines afghans contre les soviétiques, la base arrière était à Peshawar, hein, au Pakistan. On sent bien que c'est un pays qui est au carrefour des civilisations, au carrefour des conflits réels ou virtuels. Il a cette position-là qui est vraiment singulière. Oui, alors on pourrait dire que c'est un État rentier stratégiquement, du fait que pendant la guerre froide, donc le Pakistan s'est entre guillemets vendu aux Américains pour justement faire barrage à une avancée vers les fameuses mers du Sud qu'envisageait l'Union soviétique d'accéder dans ces régions des mers de l'océan Indien. Donc c'est pour ça que le Pakistan a en fait été pendant la guerre d'Afghanistan des années 80 un état de ligne de front pour faire front contre les avancées de l'Union soviétique. Et encore une fois, le Pakistan a servi d'état de ligne de front lors de l'autre guerre d'Afghanistan, celle la plus récente, qui existe toujours d'ailleurs, qui est toujours en cours, celle qui a été lancée après les attaques contre les États-Unis en septembre 2001. Donc le Pakistan a toujours eu cette vocation à servir d'État stratégiquement très très bien situé. On parle des États-Unis, maintenant il faut savoir que le Pakistan sert aussi les intérêts stratégiques de la Chine aujourd'hui. Elle s'est rapprochée de la Chine, absolument. Et notamment dans le cas des fameuses routes de la soie, notamment qu'il y a une extension au Pakistan, ce qu'on appelle le corridor économique Chine-Pakistan. Et aussi parce que le Pakistan s'est tourné à l'époque vers les États-Unis, maintenant de plus en plus vers la Chine, pour faire contrepoids à la masse indienne. Qui elle est tournée vers les États-Unis? Elle est de plus en plus tournée les États-Unis, oui. Alors, puisqu'on parle des États-Unis, on a vu que ce pays a tenté d'apaiser les tensions en 2008 après le massacre en dépêchant Condoleezza Rice, qui travaillait donc à l'époque avec George Bush, hein, c'était la secrétaire d'État. On va écouter maintenant cette archive. Il s'agit du discours, alors pour le coup, du président des États-Unis d'alors, Barack Obama, parce que nous sommes le 6 novembre 2010. Obama est président des États-Unis. Il voyage en Inde et prononce un discours, ce discours, à l'hôtel Taj Mahal, précisément. J'aimerais dire au peuple indien à quel point nous avons hâte de passer les trois prochains jours dans ce pays remarquable et d'approfondir le partenariat entre nos deux pays. Je sais qu'il y a beaucoup de commentaires sur cette décision de commencer notre visite ici, dans cette ville dynamique et dans cet hôtel historique. Et pour ceux qui se demandent s'il s'agit de faire passer un message, ma réponse est oui, absolument. Bombay est un symbole de l'incroyable énergie et de l'optimisme qui définissent l'Inde du XXIe siècle. Et depuis ces horribles jours, il y a 2 ans, le Taj a été le symbole de la force et de la résilience du peuple indien. Donc, oui, nous sommes ici pour envoyer un message très clair. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Oui, non, mais c'est intéressant. Ça marque l'intérêt qui a été davantage porté après la fin de la guerre froide vers l'Inde que vers le Pakistan, en fait. Oui. Les États-Unis, de plus en plus, notamment attirés par l'énorme marché indien, hein, puissance économique en devenir, donc très intéressante pour les investissements américains. Faut savoir que pendant la guerre froide, effectivement, l'Inde a plutôt évolué, était non alignée officiellement, avec certains sens d'ailleurs à ce terme, mais aussi a plus en plus stratégiquement évolué plutôt vers une sympathie tournée vers l'Union soviétique, plutôt vers les États-Unis, qui a été allié sur avec le Pakistan. Après la fin de la guerre froide, l'Inde s'est de plus en plus tournée vers les États-Unis, notamment un facteur important qui n'est pas négligeable. Il faut savoir qu'il y a une importante diaspora indienne aux États-Unis. Une diaspora qui est notamment assez aisée. Et effectivement, il y a des liens multiples d'ailleurs entre les Indiens, c'est les États-Unis et les Indiens de l'Inde. Et donc ces liens ont été fructifiés après la fin de la guerre froide pour créer des liens entre l'Inde et les États-Unis. Maintenant, du côté des populations, comment se regardent-elles ces deux populations indiennes d'un côté, pakistanaises de l'autre? Elles se regardent en chien de faïence, ou alors il y a des tentatives de rapprochement? Quel est l'état des relations? Là, pour le coup, des relations populaires entre les deux pays. Là, je sors des gouvernants. Hein. Oui, tout à fait. Il y avait eu des sondages réalisés il n'y a pas très longtemps en demandant aux Indiens, aux Pakistanais, quelle était leur perception réciproque. Les 3/4 des Indiens et les 3/4 des Pakistanais étaient d'accord pour avoir une perception tout à fait négative de leurs voisins, qu'ils soient Indiens ou Pakistanais. Donc, il faut aussi voir leur rôle joué, notamment par les manuels scolaires et l'éducation que doivent suivre les jeunes Indiens et les jeunes Pakistanais, qui généralement, ces manuels scolaires donnent une image plus flatteuse de leurs voisins. C'est vrai que pour les Indiens, souvent le Pakistan est subi comme un pays qui leur empêche de satisfaire des ambitions internationales, de devenir une grande puissance reconnue comme telle et qui ramène l'Inde à sa dimension régionale du fait de cette nuisance qu'est le Pakistan avec notamment donc ces attentats dont on a traité. Ouais. Alors, je disais tout à l'heure, dans le récit, que les terroristes djihadistes venus du Pakistan, en s'attaquant à l'Inde, et pas des cibles prises par hasard, évidemment, hein, un grand hôtel de luxe, notamment, voulaient assassiner un mode de vie, comme les djihadistes ont voulu assassiner un mode de vie en France, en 2015. Je sais que les comparaisons n'est pas raison, mais est-ce qu'il y a cet ordre d'idée-là? Il y a un peu cet ordre d'idée. Il faut savoir que pendant très longtemps, les films de Bollywood étaient interdits au Pakistan. L'interdiction a été partiellement levée sous Musharraf en 2008. Malgré tout, ça n'empêchait pas qu'il y avait des cassettes vidéo qui circulaient des deux côtés de la frontière. D'ailleurs, il suffit de lire les quotidiens pakistanais qui régulièrement font état de ce qui se passe à Bollywood et de la vie privée d'acteurs et d'actrices du cinéma indien. Il y a une connaissance de ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, côté indien. Encore une fois, difficile d'empêcher des antennes paraboliques de diffuser des émissions de la télévision indienne, même si officiellement la Cour suprême et la Cour au Pakistan a interdit la diffusion d'émissions indiennes au Pakistan. Bien, ce sera le mot de la fin parce que nous arrivons justement à la fin de cette émission. Merci infiniment à Gilles Bocquera, chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Je rappelle le titre de votre livre pour mieux connaître le Pakistan parce que c'est pas forcément simple. Le Pakistan en 100 questions. Merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les attentats de Bombay, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Merci Antoine Gomez qui était à la technique aujourd'hui.